va pas refaire le couple maintenant. Non, mais est-ce que t'as entendu tout ça? Tu on va pas refaire le couple. Je ne suis pas partie avant. Non, mais tu me parles d'une séparation simple. Alors, dis-moi ce que tu proposes. Hein. Mais simplement. Je proposais, on va voir effectivement comment on peut faire mieux. Et puis c'est tout, maintenant. Thank you. Thank you.